Parce que quand tu es dans la vie, ta personnalité est assortie. De sorte que la codification, l'information, la valeur de la perception astrale qui est enregistrée dans les sens, elle n'existe plus. Parce que quand tu es dans la vie, tu n'es plus dans ton ego, tu es dans ton esprit. Quand tu es dans ton esprit, tu n'es plus sur le plan matériel. C'est pour ça qu'il y a des tâches humaines, là, pour tout le monde. Quand tu es dans la vie, tu n'es plus sur le plan matériel. Le monde te voit sur le plan matériel, mais tu ne vois pas. Si tu n'es pas là, parce que tu n'as plus besoin du plan matériel, tu n'as plus besoin de la personnalité pour fonctionner en tant qu'esprit. C'est rien dans la vie que l'esprit peut coexister avec la vie. C'est rien dans la vie que l'esprit peut coexister avec la personnalité. Dans l'existence, l'ego coexiste avec la personnalité. Mais dans la vie, c'est l'esprit qui peut coexister avec la personnalité parce que l'ego, dans la vie, est un outil de la personnalité pour renverser le mouvement de lumière. L'ego, c'est l'aimant qui descend la lumière dans la matière. Quand tu es dans la vie. L'ego n'a plus de fonction. C'est pour ça que l'ego n'est plus intéressant à savoir. C'est pour ça que l'ego a plus de peur, il n'a plus de curiosité. C'est pour ça que l'ego n'est pas capable de penser. C'est pour ça que l'ego n'a plus de mémoire. Parce qu'il n'a plus besoin des fonctions de la personnalité. L'ego devient un aimant pour défendre les forces de la lumière dans la personnalité. Et à ce moment-là, l'être est esprit. Et si ça devient, je te redonne la parole à une minute. Pas moi, c'est lui. Je te donne une minute. Si ça devient essentiel pour une fonction quelconque de l'esprit dans la matière, de demeurer dans la matière au niveau de la personnalité, il le fait parce que l'ego devient à ce moment-là un outil de la personnalité et non plus la personnalité un outil. Ça, c'est un peu comment ça? Quand c'est la personnalité qui devient un outil de l'ego, que l'ego devient un outil de la personnalité au lieu de la personnalité un outil de l'ego, t'es dans l'esprit. Puis il dit qu'un homme qui sait ça, il est automatiquement immortel. Et il dit. Il dit, t'aurais jamais cru ça avant d'entrer ici, si on t'avait dit qu'un jour t'avais un grand-père plus jeune que toi. C'est subtil. La paille de l'église. Oui, c'est ça que je suis obligé de vous parler, parce que si je vous parle à part, je ne serai jamais à ça. Faut que je parle de savoir. C'est là que j'aime ça vous parler, parce qu'en parlant, là, c'est l'eau coule. Sans ça, moi, je suis en réalité. Ça ne sert pas. Si je ne vous parle pas, là, c'est comme si la vie en moi ne peut pas s'exprimer. Ça, c'est important, je pense. J'aime ça. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas penser à ça. Parce que ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que la vie, c'est totalement anonyme. La vie, c'est totalement anonyme. La vie, ça n'a aucun besoin. La vie, c'est totalement créatif, constamment créatif, constamment créatif. C'est un processus créatif. Fait que la personnalité, elle,

possible, vit simplement dans le karma de son passé. Ça va plus. Ce qui est possible pour moi, c'est ce que j'ai déjà vécu. Ce qui est possible, ce qui est possible pour toi, c'est ce qui est lié à ce que tu as déjà vécu. Parce que ce qui est impossible, c'est ce qui est lié au temps où tu vivras dans ton esprit. Fait que si ta personnalité garde de prendre automatiquement, ça va faire. Il n'y a pas de choix. L'impossible devient le réel. Ben, si tu as quand même certain moment, tu peux pas commencer à parler d'impossible au moment que tu penses à l'impossible. C'est parce que c'est tous les gens qui vivent dans le possible qui contrôlent les institutions. Ben, si tu penses impossible, il fallait qu'il y ait du monde qui pense impossible, il fallait pas que des gens qui pensent possible. C'est ça que je vous dis, un jour, vous serez plus capable de parler au monde qui pense possible. Parce qu'il y a une communication, finalement. Sans ça, ils vont vous faire pour les capables. On n'est pas rendu à cet état-là, puis c'est déjà difficile de parler. C'est déjà, ben, ça va partir. Parce qu'il y a un air passé, si tu m'avais dit, tu vas faire telle et telle chose, tu vas passer par là, j'aurais dit, c'est pas dit. C'est ça. Mais c'est étant donné que je le sache un peu. C'est ça. C'est ça. Pourquoi est-ce que j'aime tellement parler? Parce que j'apprends. J'apprends ce qui est su, j'apprends. Est-ce que vous vous en souvenez? Non. Vous allez m'en souvenir, il ne trouve d'autre. L'eau qui passe d'une chandelure n'en revient pas. Si vous étiez obligé de boire la même eau, c'est un bagage. L'esprit se répète jamais. Ben oui, parce que des fois, on vient pour dire quelque chose, mais on se met nous autres. Là. On s'intéresse. Mais je sais quelque chose. Je sais qu'il va venir un temps à l'intérieur de la prochaine génération où il y a des hommes. Il y a des hommes qui vont voir et comprendre ce qui a été dit depuis des siècles de temps quand on parle de lien. Tu sais, les gens parlent de lien, ils pensent du lien Westinghouse. Les gens, l'homme va savoir que tu sais que ça veut dire la lumière. Que les initiés, les philosophes parlent de lien. Personne ne sait ce que c'est la lumière. Ils vont savoir, les hommes, qu'est-ce que c'est la lumière. C'est au bout de la lumière. C'est pas ce que vous pensez que c'est pas la lumière que vous faites. C'est pas la lumière astrale. Maudit que t'es fait. La lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. Pur et simple, pas d'autre chose. La lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. Cherche pas d'autre chose que ça, il n'y en a pas. La lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. Si tu sors dans ton esprit, si tu rentres dans ton esprit, si tu sors dans ton corps, si ton esprit devient libéré des liens qui le lient à la matière, c'est tout automatiquement dans la lumière, parce que la lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. Fait que l'esprit n'a pas de choix que dans la lumière, il voit la lumière. La lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. Tu travailles là-dedans. Tu rencontres un autre esprit, tu le lien. De la lumière. De la lumière, la lumière. Après, tu passes d'un monde à l'autre, tu passes des mondes de lumière. Oui, c'est ça. La lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. Je vais faire la réponse, c'est ça. C'est que quand on n'est pas dans la lumière, on pense toujours que quand on va dans la lumière, on va se prendre pour un autre. Mais quand tu arrives dans la lumière,